Bien sûr, toujours. En ce moment, je suis pas trop là, mais frérot, t'inquiète, je vais pas te lâcher. Je sais que ça me jalouse, ça m'envie, mais je suis comme ça, moi, je vais pas me cacher. J'ai fait ce que j'avais à faire, je peux pas me rabaisser, moi, je vais pas te clasher. Les armes, le buzz, le pouvoir, ouais, maintenant tout ça achète. Le guitar a fait un gros trou, il dort, gratuit, assis sur la chaise. Tu m'as fait la bise et dans mon dos tu as parlé en traître. Alors, c'est comme un traître que je te traite. Je croyais que tu étais un bon et tout, mais j'ai vu que tu es un BDH en fait. Je suis gentil, mais un jour je peux vous niquer, ça fait que vous le sachiez. J'avais pas un à la banque, je m'a donné, moi je veux pas tout gâcher. Accumulation de problèmes dans ma life, merde, je veux pas finir perché. J'ai mal aux dents, ça me vient à la tête, j'calme la douleur avec un cachet. À dire que dans le bloc, bloc, bloc, c'est vraiment un sachet. Les soucis me rogent pour mon tasse, ça me dérange, alors je me pète un pet. Ton petit frère est pas bien, j'suis pas bien, ta maman s'inquiète, tu m'inquiètes. J'suis trop fier sans m'écouter, Pablo Picasso, jusqu'au Menguette. On vit dans un monde de fou, tu donnes la force à Pidgey, j'ai pas besoin d'aide. Au début, dit Jules, c'est le sang, j'le connais, après ils retombent leur veste. J'aime trop la musique, j'ai plus de vie de famille, un jour, plus faudrait que j'arrête. Pour l'instant, je continue, je peux te dire que c'est pas fini. J'fais un live, tu les vois faire le single sur le boulevard, Sakagini. J'suis pas la gadis, elle veut faire des sous faciles et qu'elle veut s'affiner. Tu dis à tout le monde que c'est une folle, mais toi tu l'as même pas finie.